طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence, alhamdulillah, rabbil alamin, ce cours séminaire avec nos frères de la ville de Québec. Et ça me fait un grand plaisir d'être ici, alhamdulillah, dans Masjid al-Athar, pour cette grande ouverture, inauguration en même temps de la mosquée, que les frères ont alhamdulillah, été capables de mettre sur pied. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner dans ce projet le succès, tawfiq wa sadad wal huda wal rashad innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Donc alhamdulillah, on demande à Allah de nous raffermir et de nous donner yani la force de rester ferme, thabat, sur cette voie, sur la da'wa salafiyya, la da'wa au Coran et à la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la Ummah. Et on a décidé ensemble, les frères m'ont suggéré de faire un cours sur Al-Qawa'id al-Arba'a. Al-Qawa'id al-Arba'a, qui est un livre qui est, en longueur, il est court. C'est pas un livre qui est volumineux, c'est un livre qui est d'un volume petit, mais dans lequel il y a beaucoup de grands principes et de grandes significations qui sont fondamentales dans la compréhension de l'islam et qui répond en même temps à certaines shubuhat, certaines ambiguïtés dans le domaine de la croyance au sujet du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un livre vraiment important et intéressant, écrit par le Cheikh Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, un des grands savants réformateurs du 12e siècle de la Hijra, rahimahullah ta'ala. Et donc le Cheikh, dans ce livre qu'on appelle les quatre principes, ou bien Al-Qawa'id Al-Arba'a en arabe, Qawa'id qui est le pluriel du mot Qa'ida, qui en arabe signifie un principe ou une règle. Na'am. Donc, ici, les quatre règles, les quatre principes, c'est le sujet dont on va parler, et vous allez voir, après avoir commencé l'introduction, de quoi il s'agit exactement. C'est une risala qui est concentrée sur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en les questions qui ont rapport avec at-tawhid, les questions qui ont rapport avec l'unicité d'Allah dans l'adoration en particulier. Donc le Cheikh, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, al-matn, c'est le texte de le livre de base qu'on va lire, et on va également lire les commentaires qui ont été faits par le Cheikh Salih al-Sheikh Rahim Hafizahullah Ta'ala, qui était le ministère des Affaires religieuses de l'Arabie Saoudite, le ministre des Affaires religieuses de l'Arabie Saoudite, Cheikh Salih al-Sheikh. Donc, le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit, As'alullah al-Karim, رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Donc le cheikh il commence par une invocation, un dua qu'il fait pour la personne qui cherche la science et qui cherche la compréhension de sa religion, la religion de l'islam. Et on sait que à notre époque et même dans le passé, mais encore plus aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ont dévié du droit chemin et qui ont falsifié les vrais principes de la religion, qu'il est important de toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guidance et le fait de nous garder ferme sur la vérité et la bonne compréhension de l'islam. Et c'est pour une des raisons pour laquelle le cheikh il fait une invocation ici pour les gens qui cherchent la science en islam et qui veulent comprendre la religion correctement. Et donc il dit: je demande à Allah le noble, le seigneur du grand trône, qu'il te protège dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, qu'il soit ton wali, ton protecteur, ton allié, et qu'il te rende béni où que tu sois, et qu'il fasse de toi, ou qu'il fasse que tu sois parmi ceux qui, lorsqu'ils reçoivent quelque chose, lorsqu'on leur donne quelque chose, ils sont reconnaissants, ils remercient. Lorsqu'ils sont éprouvés par un malheur quelconque, ils font preuve de patience et d'endurance. Lorsqu'ils commettent un péché, ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, car ces trois choses, si tu les mets en application, eh bien tu as réuni les principes qui vont te faire en sorte que tu auras le bonheur. Hein? Les trois choses qui vont faire en sorte que tu pourras obtenir le bonheur. Le cheikh Cheikh Salih ibn Abdul Aziz al-Sheikh hafizahullah ta'ala, qui a fait le commentaire, qui est un des ulama parmi ceux qui ont fait le commentaire de ce livre, il va donc commencer par faire une petite introduction et une explication de cette invocation que le cheikh a fait. Le cheikh Salih al-Sheikh, il commence en disant: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira ila yawmiddin. Amma ba'd, fa inna hadhihi al-nubdha al-mukhtasara, al-qawa'idu al-arba'a, min al-nubadhi al-muhimma, من مقال إمام هذه الدعوة رحمه الله، وتأتي أهميتها بمعرفة مضادات تلك القواعد الأربعة، وأن الإخلال بهذه القواعد أو عدم ضبط تلك القواعد يقع معه لبس في معرفة حال المشركين وحال الموحدين، والابتلاء وقع بحال أهل التوحيد وبحال أهل الشرك. وقد بين الله جل وعلا في القرآن ما يجب من حقه في توحيده وبين الشرك به بيانا عظيما. Donc le cheikh il commence en disant: au nom d'Allah le très miséricordieux, le tout miséricordieux, louange à Allah le Seigneur des mondes, et je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah lui seul, sans aucun partenaire ni associé, et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, et paix et salut sur lui et sur sa famille et ses compagnons, et jusqu'au jour de la résurrection, la rétribution. Il dit ensuite, c'est un résumé hein, ici dans les quatre règles, les quatre principes que nous allons étudier ici. Hein, nubdha, un petit résumé, hein, une petite portion de l'explication qui a rapport avec les livres qui ont rapport avec la science, le tawhid, d'une risala, d'une parole de l'imam de cette da'wah, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et qui te donne l'importance de comprendre les choses qui opposent ces quatre fondements. Parce que ces quatre principes qui font partie des principes de la religion, des fondements de la religion, et c'est toujours important de comprendre les principes de la religion et ceux qui s'y opposent. Hein? Parce que souvent les gens, par exemple, ils apprennent les règles de la religion, mais ils ne comprennent pas ou ils n'apprennent pas en même temps qu'est-ce qui s'oppose aux règles de la religion. Ce qui fait que quand ils arrivent devant quelque chose de faux, eh bien, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne savent pas comment le distinguer ou le reconnaître parce qu'ils n'ont appris que ce qui était la règle elle-même. Donc, par exemple, ils apprennent le tawhid, mais ils ne connaissent pas les détails du shirk. Donc, quand ils tombent ou quand ils arrivent en face de quelque chose qui fait partie du shirk, eh bien, ils ne sont pas capables de le reconnaître parce qu'ils n'ont pas étudié le shirk en détail. La même chose pour tout ce qui s'oppose aux différents aspects de la religion. Donc, le shaykh, il dit, on va étudier ces quatre règles et comprendre également ce que ces quatre règles viennent contredire et opposer. Et on va expliquer également le fait que de venir en contradiction et de détruire une de ces règles ou un de ces principes ou bien de ne pas bien saisir ou comprendre les principes qui sont reliés à chacune de ces règles fait en sorte que la personne aura une confusion, une grande confusion dans la réalité ou dans la compréhension de la réalité de l'état des mouchriquins et de l'état des gens qui sont sur le tawhid. Hein, parce que si quelqu'un n'a pas bien saisi et bien compris les principes de la religion, eh bien il va confondre entre les gens du shirk et les gens du tawhid parce que sa compréhension de la religion est remplie de confusion et d'ambiguïté, de choses qui ne sont pas claires. Et donc, il ne pourra pas distinguer clairement entre les gens du tawhid et entre les gens du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans le Coran ce qui est obligatoire à propos de son droit et en particulier à propos de son unicité. Et il a également clarifié de façon très claire le shirk. Donc, il n'a pas uniquement clarifié le tawhid, mais il a clarifié le tawhid et il a clarifié également en détail qu'est-ce que c'est que le shirk et comment le reconnaître et comment s'en préserver et ainsi de suite. Donc, on a la connaissance de la vérité et la connaissance de ce qui est faux dans le but de s'en préserver et de s'en écarter. Le cheikh dit ensuite: "Wa hadhihi al-qawa'id al-arba'a ma'khuzatun min nusus al-kitab was-sunnah wa min ma'rifati hal al-arab kama sayati. Fa hiya qawa'id 'azima ta'simu man hafizaha wa 'alima ma'naha min an yakuna 'indahu taraddud fi mas'alati al-hukm 'ala ahli al-ishrak wa 'ala wujub ikhlas ad-din lillah jalla wa 'ala wa kayfa yakunu dhalik." Donc le cheikh il dit que ces quatre règles, ces quatre principes sont tirés des textes du Coran et de la Sunna et également sont tirés de la connaissance de l'état des Arabes avant l'islam, comment ils étaient, quelle religion ils pratiquaient, comment ils pratiquaient leur religion avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une chose qui est très importante pour être capable justement de comprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés au tawhid et en quoi ce qu'ils faisaient avant l'islam était en contradiction avec les principes de ce que Allah a révélé dans le Coran et dans la Sunna à propos de la foi en Allah et de la religion en général. Donc ça c'est fondamental aussi de connaître la réalité de ce que faisaient les Arabes avant l'islam. Donc ces règles, ces grandes règles, si on les a mémorisés comme il faut, si on les a bien connus, si on a compris leur signification, eh bien, elles seront une protection pour celui qui les a, comme on dit, mémorisés et compris comme il faut. Et cette protection va faire en sorte qu'ils n'auront pas d'hésitation, hein, et de doute par la suite dans la question du jugement au sujet des gens du shirk. Hein, et d'être capable de déterminer qui sont les gens du shirk et qu'est-ce qui est shirk et qu'est-ce qui ne l'est pas et ainsi de suite, et l'obligation également de purifier notre religion et notre adoration pour Allah seul et comment cela doit être fait. Après le shaykh il dit: wa imam ad-da'wati rahimahullah ka'adatihi fi kathir min rasailihi yabtadi'uha bidu'a'in لمن يقرأ تلك الرسالة أو لمن وجهت إليه وهذا كما هو معلوم فيه التنبيه على أن مبنى العلم ومبنى الدعوة الرحمة والرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم والرحمة والتراحم بين الداعية والمدعو ولأن الرحمة في ذلك هي سبب التواصل قال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم يعني فبرحمة من الله لنت لهم للشيخ الزي que l'imam de la da'wa comme à son habitude c'est le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab يعني dans la plupart de ses livres il débute par un dua pour celui qui lit cette risala ou ce livre et ou bien pour qui le livre a été adressé ou à qui il a été adressé et il dit que comme on le sait il y a dans le fait de faire ça c'est-à-dire dans le fait de faire une invocation pour la personne qui va lire la risala il y a une indication ici sur le fait que le fondement de la science et le fondement de la da'wa doit être la miséricorde. Doit être la miséricorde. Il dit, le fait de faire preuve de miséricorde et d'être miséricordieux, qu'il y ait une relation de miséricorde entre l'enseignant et l'apprenant, et qu'il y ait une miséricorde et un lien de miséricorde, une relation mutuelle, de miséricorde mutuelle entre la personne qui fait la da'wa, qui appelle, et la personne qui est appelée. Al-da'iya wal-mad'u. Et le Cheikh dit que la rahma, la miséricorde, eh bien, le fait d'avoir de la miséricorde dans cette chose, eh bien, ça va faire en sorte qu'il y ait cette connexion. Hein, cette connexion entre les deux. Entre l'appelant et l'appelé, entre le professeur ou l'enseignant et l'apprenant et l'étudiant. Et donc, il mentionne le verset 159 dans Sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala clarifie que c'est par la miséricorde d'Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été doux envers eux. Hein? C'est par la miséricorde d'Allah que tu as été doux avec eux. Et donc, c'est une des manifestations de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette douceur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait envers les sahaba, qu'il n'était pas rude et il n'était pas dur avec ses compagnons, mais il était miséricordieux avec eux. Et donc, cette da'wa, la da'wa salafia, elle est basée sur cette rahma aussi. Puisque notre modèle, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette miséricorde envers ses compagnons. Donc, les ulama de Ahl al-Sunnah, al-Salafiyoun, ils ont eux aussi cette miséricorde envers leurs élèves et envers ceux qu'ils appellent. Et c'est pour cette raison qu'on voit l'exemple du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, ici, faire preuve de cette miséricorde en faisant des invocations pour ses élèves, en commençant ce livre et en commençant la plupart même de ses livres également. Le Cheikh, il explique maintenant en parlant du verset, il dit « فَبِمَا رَحْمَةٍ » il dit « وَمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ سِلَةٌ لِتَأْكِيدِ الْجُمْلَةِ وَهِيَ الَّتِي تُسَمَّ الزَّائِدَةِ » لزيادة التأكيد فبما رحمة من الله يعني فبرحمة من الله يعني لنت لهم فبرحمة من الله لنت لهم donc dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit فبما رحمة et il dit que le ma dans ce verset il est ajouté pour comme confirmation il est rajouté comme confirmation et on l'appelle ma zaïda dans le but de rajouter de la confirmation et d'insister sur le sens. Et donc, en réalité, ça signifie par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par la miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Et le Cheikh il dit فَهَذَا دُعَاءٌ نَاتِجٌ عَنِ الرَّحْمَةِ وَهَكَذَا يَنْبَغِي عَلَى الْمُعَلِّمِ وَعَلَى الدَّاعِيَ وَعَلَى الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَنْ يَكُونَ رَاحِمًا لِلْخَلْقِ وَأَنْ يَكُونَ رَحِيمًا بِهِمْ كَمَا وَصَفَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى نَبِيَّهُ بِقَوْلِهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَقَالَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Donc le Cheikh il dit que c'est donc la source de cette invocation est donc la miséricorde. La miséricorde. Et il faut donc que l'enseignant, le professeur, le cheikh, l'étudiant en sciences qui donne le cours et qui enseigne, il doit lui aussi avoir cette miséricorde. De même que celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal, il doit avoir cette miséricorde. Beaucoup de jeunes musulmans, parfois, ils s'imaginent que lorsqu'on ordonne le bien ou qu'on interdit le mal, il faut faire preuve de dureté et il faut être rude avec les gens, il faut leur interdire. Lorsque quelqu'un fait un péché, tu vas lui interdire avec le visage renfrogné et avoir un visage sombre et dur. Alors qu'en réalité, c'est pas nécessairement le cas, puisque comme le cheikh il explique ici, il dit non, il faut avoir de la miséricorde envers la personne lorsque tu lui ordonnes le bien et lorsque tu lui interdis le mal, parce que la raison pour laquelle tu lui ordonnes le bien, c'est pour son bien, et la raison pour laquelle tu lui interdis le mal, c'est pour justement son bien aussi. Alors dans la personne, lorsqu'elle veut du bien à quelqu'un, elle le fait par miséricorde, et donc elle doit le faire aussi avec miséricorde. Hein? Et non pas avec yani dureté et avec cette attitude yani de vouloir yani parfois faire preuve de trop de dureté envers la personne, et ce qui fait par la suite que la personne, au lieu d'accepter le conseil ou d'accepter qu'est-ce qu'on lui explique de la religion, elle refuse de l'accepter, elle refuse de nous écouter à cause justement de cette colère ou de cette dureté de notre part. Hein? Donc on doit se souvenir à chaque fois que si on ordonne le bien, c'est pour Allah qu'on doit le faire. Et si on interdit le mal, c'est pour Allah qu'on le fait. Et lorsqu'on fait quelque chose pour Allah, il faut le faire comme Allah nous demande de le faire. Parce que si on ne le fait pas comme Allah nous demande de le faire, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne le fait pas réellement pour Allah. Hein? Et donc, Allah nous demande de le faire avec science, avec sagesse et avec douceur. Et donc, il faut respecter ces principes-là. Et il donne un exemple aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le verset 107. Dans Sourate Al-Anbiya, dans lequel le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala parle de son prophète en disant, nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Hein? Et il mentionne également le verset 128 dans Sourate Al-Tawba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ, et il est indulgent et miséricordieux envers les croyants. Hein? Et ensuite il mentionne une parole de Cheikh Ibn al-Qayyim dans An-Nuniyya. Il dit وَقَالَ Ibn al-Qayyim رَحِمَهُ فِي النُّنِيَّةِ Cheikh Ibn al-Qayyim, son nom c'est Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Sa'd Shams al-Din al-Dimashqi المشهور بابن القيم الجوزية أحد الفقهاء الحنابلة الذي تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له وقد سجن معه بدمشق وتوفي رحمه الله سنة 751. Donc son nom c'est Muhammad ibn al-Qayyim, son nom c'est Muhammad ibn Abi Bakr ibn Sa'd Shams al-Din al-Dimashqi. Al-Dimashqi, parce qu'il vient de Damas. Et il est plus connu par le célèbre nom ou célèbre appellation de Ibn al-Qayyim ou bien Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. C'est Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Donc, il est un des fuqaha qui a étudié avec Ibn Taymiyyah, un des savants, parmi les savants des Hanab, du Madhhab al-Hanbali, qui a étudié avec Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et qui l'a défendu. Et il a même été emprisonné avec Ibn Taymiyyah à l'époque. Il est mort en l'an 751 après la Hijra. Donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit وَفِي وَصْفِ حَالِ الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ مَعَ أَهْلِ الْمَعْصِيَةِ وَأَهْلِ النُّفُورِ عَنِ الْحَقِّ قَالَ فِي ذَلِكَ وَاجْعَلْ لِوَجْهِكَ مَقْلَتَيْنِ كِلَاهُمَا من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن حتى حين توقع الحدود وتطبق فهي تطبق على وجه الرحمة لا على وجه الانتقام، رحمة بهذا الذي استحق تلك العقوبة أن تسلط عليه إبليس والشيطان فجعله مستحقا لذلك، كالأسير من أحبابك إذا وقع أسيرا في أيدي العدو، فهذا التقديم بالدعاء من الإمام رحمه الله فيه التنبيه على ذلك. Donc le cheikh il explique que l'imam Ibn al-Qayyim il décrit l'état donc de la personne qui appelle à Allah envers les gens qui font des désobéissances ou des péchés et qui se détournent ou qui s'enfuient de la vérité, comment il doit être avec eux. Il dit fait que lorsque tu t'adresses à ces gens-là, que tu te rappelles de deux choses. Premièrement, la crainte d'Allah, hein. Et la deuxième chose, c'est que si ton Seigneur aurait voulu, tu aurais toi-même été comme eux. Et le cœur est entre deux doigts du très miséricordieux. C'est-à-dire que les gens à qui tu t'adresses, hein, lorsque tu veux les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, à accepter le tawhid, à rejeter le shirk, à accepter la sunna, à rejeter la bid'a, à accepter l'obéissance, à rejeter le péché, eh bien ces gens-là, toi tu les appelles à Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu dois te rappeler en même temps que tu dois avoir dans ton cœur la pitié pour eux en même temps et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si Allah aurait voulu, il t'aurait fait comme eux, c'est-à-dire tu aurais été dans la même égarement, dans le même égarement et dans la même situation que ces gens-là. Donc, hein, rappelle-toi de ça et sache que les cœurs sont entre deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les tourne comme il veut. Hein. Donc, il faut avoir cette miséricorde-là envers eux. Avoir cette miséricorde envers ceux que tu appelles à Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas comme certaines personnes peut-être qui ont une certaine arrogance ou ils regardent la personne qu'ils appellent à l'islam de haut en voulant dire comme si je suis meilleur que vous parce que moi je suis mu'min et dans le sens que ils les dénigrent, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide qui est sur la voie et qui ne l'est pas. Donc sois reconnaissant et sois humble, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé et comme cette personne-là que tu es en train d'appeler dans l'égarement, souviens-toi que soit tu as été toi-même dans cette situation-là, ou que tu aurais pu l'être si Allah ne t'avait pas guidé. Donc, sois humble envers Allah subhanahu wa ta'ala et sois miséricordieux envers cette personne. Et le cheikh, il dit également donc que lorsque les peines islamiques sont appliquées, sont établies, eh bien, ces peines-là sont appliquées et elles doivent être appliquées avec miséricorde pour la personne qui reçoit cette peine, et non pas dans le sens de la vengeance, non pas dans le sens de la vengeance. Il dit ce serait par miséricorde pour cette personne qui a mérité ce châtiment, hein, parce que le diable a pris le dessus sur cette personne et a fait d'elle qu'elle mérite ce châtiment là comme quelqu'un qui a été pris en prison, qui a été emprisonné, parmi tes amis. Si quelqu'un parmi tes amis était emprisonné, par exemple, ou avait été fait prisonnier chez tes ennemis, hein, eh bien tu aurais pitié pour lui. Ben la même façon, tu dois avoir pitié pour celui sur qui tu appliques les peines de l'islam. Donc tout ça, c'est un exemple que le cheikh il mentionne pour faire comprendre l'importance de cette miséricorde dans l'islam. Et alhamdoulillah, quand on comprend ça, en même temps, ça vient mettre donc une autre compréhension en même temps qui réfute l'idée de certaines personnes qui pensent que le fait d'être sur la sunna et de s'accrocher à la religion avec fermeté, que ça veut dire que tu dois être rude et dur envers les gens et d'avoir aucune pitié et d'avoir que de la dureté en toi. Au contraire, le musulman salafi qui est sur la sunna, il doit avoir plus de miséricorde envers les gens que le reste des musulmans, parce que yani, il a justement compris l'islam comme les premiers musulmans l'ont compris, donc il doit suivre leur exemple. Le cheikh il dit ensuite وَدَعَا وَكَانَ فِي مَا دَعَا أَنَّهُ سَأَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرْ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرْ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرْ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ عنوان السعادة إذا أعطي شكر لأن العطاء من الله نعمة والله جل وعلا يحب الشاكرين من عباده والشكر يكون باللسان المقال ويكون بالفعل وأن اشكر لي ولوالديك وبالمقال وبالعمل وقوله واعملوا آل داود شكرا وهذا من جهة العمل وقوله تعالى واشكروا لي ولا تكفرون وهذا من جهة القول والعمل. Donc le cheikh il dit que le cheikh il a fait l'invocation en demandant à Allah qu'il fasse de nous qu'on soit parmi ceux que lorsqu'ils reçoivent ils sont reconnaissants, lorsqu'ils sont éprouvés ils sont patients, lorsqu'ils font un péché ils demandent pardon à Allah, et ces trois choses sont la clé du bonheur si on veut. Et le cheikh il dit, c'est lorsque on reçoit quelque chose, on nous donne quelque chose, on est reconnaissant. Lorsque Allah nous donne quelque chose, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout ce qu'on reçoit, c'est une grâce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime les reconnaissants parmi ses serviteurs. Et la reconnaissance, elle se fait avec la langue, par la parole, et elle se fait également par les actions. Par les actions également. Et le cheikh, il mentionne des versets dans le Coran à ce sujet. Il mentionne l'exemple du verset 14 dans Sourate Luqman, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Anishkur li wa li walidayka » Sois reconnaissant pour moi et envers tes parents. Hein? Et également la reconnaissance envers Allah par la parole et par les actions. Donc tu es reconnaissant envers quelqu'un qui t'a fait du bien, tu lui dis merci. Hein? Tu lui dis « Jazakallahu khairan, barakallahu fik » Tandis que yani, tu peux également être reconnaissant en faisant quelque chose pour lui. Hein? La même chose, ça c'est par rapport aux personnes, et par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose. Tu es reconnaissant, tu dis « Alhamdulillah, louange à Allah ». Et tu es reconnaissant envers lui, tu vas faire des actes d'obéissance, tu vas t'écarter des péchés. Et l'exemple dans les actions, le verset 13 dans sourate Saba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et agissez aux familles de Daoud par reconnaissance, hein, avec reconnaissance. » Donc c'est pour dire que la famille de Daoud, alayhi salam, eh bien, faisait preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration, dans leurs actions. Et il dit également le verset 152 dans sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et soyez reconnaissants envers moi et ne soyez pas ingrats. » Ne soyez pas ingrats envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous donne. Et l'ingratitude, de la même manière que l'ingratitude peut être par la parole, elle peut être aussi par les actions. Comme la reconnaissance peut être par la parole et par les actions aussi. Et il dit « وَلِهَذَا اخْتَلَفَ أَوْ افْتَرَقَ الشُّكْرُ عَنِ الْحَمْدِ » Donc là, le cheikh, il va expliquer la différence qui existe entre le terme en arabe « ash-shukr » qui veut dire le fait d'être reconnaissant et de remercier, et « alhamdu » qui est la louange et la gloire. Hein? Le fait de mentionner la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est quoi la différence entre les deux. Et le cheikh dit « ash-shukru yakunu an ni'matin, amma alhamdu fa yakunu li ni'matin aw fi مقابل نعمة وقد لا يكون كذلك يكون ثناء مبتدا والشكر يكون باللسان وبالعمل أما الحمد فيكون باللسان دون العمل وفي فروق بينهما معرفة عند أهل العلم فهذا مما ينبغي تدبره وهذا أن العبد إذا أعطي عطاء شكر عطاء الله جل وعلا على إنعامه. Donc le cheikh il dit que parmi les différences entre al-shukr et al-hamd, c'est que al-shukr on le dit uniquement pour les grâces. On dit seulement al-shukr pour les grâces. hein, la le remerciement, la reconnaissance seulement pour les grâces. Tandis que Alhamd, tu peux le dire pour le bien et pour le mal. Hein? Tu peux dire Alhamdulillah, et souvent on dit Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah pour le bien, Alhamdulillah pour le mal aussi, pour n'importe quoi qui te touche. Donc Alhamd, c'est plus général dans ce sens-là que le shukr. Shukr, c'est que pour les grâces. Et également, la différence entre ash-shukr et alhamd, c'est que ash-shukr, c'est avec la langue, avec le cœur, avec la langue et avec les actions, tandis que alhamd, c'est seulement avec la langue. Alhamd, c'est seulement avec la langue et non pas avec les actions. Et il dit, il y a d'autres exemples aussi que les ulama ont mentionnés comme distinction entre alhamd et ash-shukr. Il faut juste méditer là-dessus. Et il faut savoir donc que lorsqu'on reçoit une grâce d'Allah, il faut être reconnaissant. الشكر عطاء والشكر عطاء وشكر العطاء كما ذكر كما ذكرنا بالقول والعمل وبالعمل وأما الشكر بالقول فبأن ينسب أو نعم ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاه وأن يثني عليه به وأن لا يلتفت فيه إلى غيره وما بكم من نعمة فمن الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. Donc le cheikh il dit parmi les choses qui sont importantes à comprendre par rapport à la reconnaissance, c'est que lorsqu'on reçoit quelque chose, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette chose-là et faire preuve de reconnaissance par la parole et par l'action. En ce qui concerne la reconnaissance par la parole, eh bien, c'est le fait d'attribuer cette grâce à celui qui a donné la grâce. Hein? Donc, si c'est Allah qui te l'a donné, tu dois reconnaître que ça vient d'Allah. Hein? Et donc, si quelqu'un, il a quelque chose, par exemple, il reçoit un travail ou il a yani, un bien qui lui arrive, quelconque, il reçoit par exemple il réussit dans un projet, dans son travail, ou il a une réussite quelconque dans sa vie, ou il dit ah ça vient de moi-même, c'est moi qui ai travaillé pour ça, c'est avec mon intelligence que j'ai réussi à obtenir ça, avec ma force, avec mes bras, c'est pas, ça vient pas de personne d'autre. Il veut pas admettre et reconnaître que cette grâce là vient d'Allah. Hein? Ça c'est de l'ingratitude. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 53 dans sourate An-Nahl, il n'y a pas une grâce que vous avez acceptée que en réalité elle vient d'Allah. Toute grâce que vous avez, c'est d'Allah qu'elle vient. Hein? Donc c'est pas de toi-même, c'est pas de ta force, c'est pas de ton intelligence, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou le verset 83 dans sourate An-Nahl dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ils reconnaissent la grâce d'Allah puis ils la nient. Hein? Donc ils reconnaissent la grâce d'Allah puis après ils la nient en l'attribuant à quelqu'un d'autre. Des fois c'est les mouchriquines. Au lieu de remercier Allah, ils remercient leurs idoles ou ils remercient ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah. Hein? Et ça c'est du shirk. Hein? Il dit wa amma ash-shirk fi al-amal fayakun bi isti'mal an-ni'am fi ma yuhibbu min fi ma yuhibbu من أنعم بها وأسداها نعم وهذا مما يحبه الله بل هو من عظيم ما يحب الله جل وعلا من العبادات أن يكون العبد شاكرا ولهذا قال وقيل وقليل من عبادي الشكور وقال سبحانه ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا كان كثير الشكر لله جل وعلا وقال أهل التفسير كان إذا أكل الأكلة شكر الله عليها وإذا شرب الشربة يعني شكر الله عليها وإذا اكتسى شكر الله على ذلك يعني أن يتبرأ من كل حول وقوة فيما جاءه من النعم أو بما يسره وأن يعترف بأنها من الله جل وعلا. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne le fait d'être reconnaissant dans nos actions, c'est de savoir que lorsqu'on reçoit une grâce, eh bien on l'utilise dans ce que Allah aime. On l'utilise dans ce que Allah aime. Et ça, ça fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime lui-même. Et c'est en réalité une des choses que Allah aime, parmi les choses qu'il aime le plus. Il dit que le serviteur, hein, il doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit à propos des êtres humains en général, comme le verset 13 dans sourate Saba, il dit que peu d'entre mes serviteurs sont reconnaissants. Qalilun min ibadi ash-shakur. Et il dit le verset 3 dans sourate Al-Isra, en s'adressant aux enfants de Nuh alayhi salam, on est tous des enfants de Nuh parce qu'on est descendants de Nuh alayhi salam. Il y en a qui disent, comme les ulama, certains ulama, ils disent que c'est lui le deuxième père de l'humanité après Adam alayhi salam, parce que après lui il y a eu le déluge, et il y a eu le déluge à son époque, et tous ceux qui ont survécu par la suite c'était parmi les descendants de Nuh alayhi salam. Donc il dit dhurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan shakura, il était un serviteur reconnaissant, en parlant de Nuh alayhi salam. Et donc c'est-à-dire, ô vous enfants de ceux que nous avons portés avec Nuh, rappelez-vous que c'était un serviteur reconnaissant, et il remerciait beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants de tafsir ont mentionné à ce sujet que lorsqu'il mangeait, il remerciait Allah. Lorsqu'il buvait quelque chose, il remerciait Allah. Et lorsqu'il portait un vêtement quelconque, il remerciait Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça implique également, et ça signifie que tu dois te désavouer de toute force ou de tout mouvement dans ce que tu reçois comme grâce, ou dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donne de ce qui te réjouit, et de reconnaître que cela vient d'Allah seul. Et il dit wa babu shukri lahu silatun bit tawhid. La question du shukr, du remerciement, il est directement relié au tawhid. Et il y a même un chapitre dans le Kitab al-Tawhid qui parle de ça. Hein? Il dit وَلَهُ صِلَةٌ بِالتَّوْحِيدِ وَكَأَنَّ الْإِمَامَ رَحِمَهُ اللَّهُ حِينَ ذَكَرَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَطَاءِ وَالصَّبْرَ عَلَى الْبَلَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ عَنْ مِنَ الذَّنْبِ نَظَرَ إِلَى حَالِ الْمُوَحِّدِ وَخَاطَبَهُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ دَائِمًا فَإِنَّ الْمُوَحِّدَ قد أنعم الله عليه بنعمة لا تعدلها نعمة ألا وهي أن كان على الإسلام الصحيح وأن كان على التوحيد الخالص الذي وعد الله أهله بالسعادة في الدنيا والآخرة. Donc le cheikh il dit que la reconnaissance et le remerciement, c'est relié directement au tawhid. Et c'est comme si l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, lorsqu'il mentionne le fait d'être reconnaissant par rapport aux dons ou aux choses qu'on reçoit, ou d'être patient lors des malheurs, ou de demander pardon lors des péchés, c'est comme s'il avait regardé l'état de la personne qui est sur le tawhid, et qu'il s'était adressé à lui par ce qui est obligatoire pour lui en tout moment et en tout instant, c'est-à-dire que le muwahhid, le musulman qui est sur le tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne des grâces, et il lui a donné la plus grande de toutes les grâces. Hein? Il n'y a pas une grâce qui peut égaler cette grâce-là, et cette grâce, c'est quoi? C'est d'être sur l'islam authentique, c'est d'être sur le tawhid pur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux gens qui étaient sur le tawhid pur d'un bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et le cheikh il explique ensuite les autres aspects ou les autres paroles dans ce dua. Il dit wa qala idha btuliya sabr li'anna al-muwahhid min al-ibtila li'anna wa la budda lil-muwahhid min al-ibtila fa sa'ala Allah lahu أن إذا ابتلي صبره والابتلاء قد يكون من جهة الأقوال التي توجه إليه وقد يكون الابتلاء من جهة البدن وقد يكون من جهة المال أو غير ذلك. Donc le cheikh il dit également il a demandé que lorsqu'on est éprouvé, qu'on soit endurant et patient face à cette épreuve et à ce malheur, Et il dit qu'il faut donc que le musulman qui est sur le tawhid fasse preuve de patience lorsqu'il est éprouvé et qu'il demande à Allah donc de le rendre endurant lors des épreuves. Et il est certain que le musulman qui est sur le tawhid, il va être éprouvé. Il va être éprouvé par les gens du shirk, par les kuffars, par les munafiqin, par les gens de bid'a et ainsi de suite, par les gens du péché. Et donc il faut qu'il fasse preuve de patience. Et le cheikh il dit qu'il est possible que l'épreuve soit dans les paroles qui lui sont dites, et il est possible également qu'ils doivent faire preuve de patience dans les épreuves qui le touchent dans son corps, et il doit également faire preuve de patience dans les épreuves qui le touchent dans ses biens et autres également. Donc il va se faire dire des insultes, ou il va se faire parler d'une manière qui ne lui fait pas plaisir, parce qu'il est sur le tawhid, parce qu'il s'accroche à la sunna. Il va se faire frapper peut-être, ou il va subir des problèmes, hein, il va être affecté physiquement, ou bien dans ses biens, hein, ou bien autre également, dans sa famille, dans ses proches, dans d'autres choses également de la vie. Ça, c'est des épreuves que Allah nous donne. Hein, donc il faut être endurant. Le cheikh il dit également wa qala idha aznaba astaghfar li'anna al-muwahhid la budda an yakuna 'indahu shay'un min al-ghafla. Hein, al-ghafla muslim. Hein, hal anta min yani kunta fi ghafla al-an? Non, al-ghafla, on a fait la khutbah aujourd'hui à Montréal sur ce sujet. C'est pour ça que je lui parle de ghafla, parce qu'on a parlé de ça dans la khutbah aujourd'hui. Et le mot ghafla, parce qu'à chaque fois j'aime ça rappeler les frères de certains mots en arabe pour qu'ils s'en rappellent. Al-ghafla, ça veut dire l'indifférence, l'insouciance, le fait d'être distrait ou d'être insouciant vis-à-vis d'Allah et de l'au-delà et ainsi de suite. Donc il dit le cheikh que il faut, lorsqu'on a commis un péché, qu'on demande pardon, parce que le musulman qui est sur le tawhid, c'est certain à un moment ou à un autre qu'il va avoir quelque chose d'insouciance ou d'indifférence. On est tous affectés d'une façon ou d'une autre par al-ghafla, par l'insouciance ou l'indifférence, à des degrés différents, hein, et à des niveaux différents. Mais il faut toujours essayer de rafraîchir notre foi, de rafraîchir notre iman. Yani de se rappeler d'Allah pour réveiller notre cœur, pour enlever cet durcissement parfois qui peut nous arriver parfois dans notre religion. Donc ça, c'est quelque chose, c'est nécessaire. Et le fait de faire des istighfar, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça adoucit notre cœur et ça enlève un peu de cette rafla que nous pouvons ressentir parfois dans notre cœur. Et donc le cheikh il dit la budda an yaqa' adh-dhanb إما من الصغائر وإما من الكبائر والله جعل من أسمائه الغفور ولا بد أن يظهر أثر ذلك الاسم في بريئته وملكوته. Donc le cheikh il dit que c'est certain qu'il va également se produire certains péchés de la part du musulman, de la part de celui qui est sur le tawhid. Subhanallah. Il y a des gens qui pensent que quand tu es un musulman pratiquant, ça veut dire que tu es parfait. Hein? Tu ne dois pas faire aucun péché, tu ne peux pas commettre aucune erreur. Qui a dit ça? Hein? Yani, les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu bani adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun » Donc tous les musulmans, tous les fils d'Adam font des péchés sans exception. Et si tu es un musulman pratiquant, c'est certain que tôt ou tard tu vas faire un péché quelconque. Hein? Soit parmi les petits ou parmi les grands péchés. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu te repens. Tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, c'est Al-Ghafour. Et Al-Ghafour, ça veut dire le pardonneur, celui qui pardonne. Alors, il faut que ce nom d'Allah se manifeste en sa création par le fait que lorsque le serviteur commet des péchés, eh bien, il demande pardon et Allah lui pardonne. Il dit ومن ثم فإن الله يحب من عبده الموحد المخلص أن يكون دائم الاستغفار ولا بد للموحد من ذلك والعبد إذا ترك عظيم الاستغفار جاءه الكبر والكبر يحبط كثيرا من العمل. Donc le cheikh il dit, et donc c'est ainsi que il faut comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime que son serviteur qui est sur le tawhid, qui l'a unifié dans l'adoration, qui a purifié pour Allah son adoration et qui s'est écarté de tout ce qui est adoré en dehors de lui, il doit constamment demander pardon à Allah. Il doit constamment être dans al-istighfar. Et il faut absolument que le musulman qui est sur le tawhid soit ainsi. Donc, si le serviteur d'Allah, il laisse de côté la demande du pardon, eh bien, qu'est-ce qui arrive comme conséquence à ça? C'est qu'il devient arrogant et fier. Il devient arrogant et fier, et la fierté et l'arrogance, c'est quelque chose qui détruit les œuvres, qui détruit les bonnes œuvres. Hein? Wal'iyadu billah. Donc, il ne faut pas se penser, yani, comme si pour dire, yani, moi je ne fais pas de péché, hein? Je ne fais aucune faute, je suis parfait dans ma religion. Hein? Si quelqu'un il est comme ça, là, yani, ça devient de l'arrogance par la suite. Donc parfois un croyant, Allah il l'éprouve par un péché quelconque pour justement lui faire retrouver un petit peu de cette humilité, de lui rappeler que il n'est qu'un pécheur, hein, qu'il n'est qu'un dans le sens qu'il n'est qu'un être humain, il n'est pas un ange, et il va commettre des péchés dans sa vie, ça c'est certain. Et s'il faisait pas de péché, peut-être qu'il commencerait à dire, moi je suis à un niveau très très élevé de la foi, je peux jamais faire de péché, je suis trop pur, trop pieux. Et puis à cause de ça, ça lui monte à la tête, sa tête commence à devenir enflée, hein, dans la religion. Il devient extrémiste après, peut-être, hein. Et il va peut-être même devenir comme les Khawarij, qui considèrent que le péché c'est kufr. Hein? Si tu tombes dans un péché, après tu sors de l'islam, a'ouzou billah. Non, si tu commets un péché, tu demandes pardon à Allah. Et Allah, il aime quand son serviteur a commis un péché, qu'il se repente et qu'il revienne à lui. Repentant, Allah aime pardonner. Et il dit, وَلِهَذَا قَالَ هُنَا وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرْ فَإِنَّ هَؤُلَا الثَّلَاثِ عنوان السعادة. فإذا هذه الثلاثة متلازمة في حال كل موحد، وهي الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب والعصيان. وكلما عظمت معرفة العبد بربه، كلما عظم هذه الثلاثة، وكلما عظم التوحيد في القلب، عظمت هذه الثلاث، حتى يصير العبد لا يرى سوى الله جل وعلا في استحقاق شيء من أعماله وتصرفاته. فإن غفل عن في ذلك كان استغفاره ليس استغفار الذي لا يفقه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. وفي رواية في الصحيح أنه كان يستغفر في المجلس، يعني يستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة. والموحد على خطر، وخطر الغرور والغرور بأنه من أهل التوحيد أو من المحققين لاتباع السلف أو ممن علم هذا العلم ثم لا يكون في قلبه من الخضوع والذل الذي يعلمه الله منه ما يكون ذلك سببا لقبول هذه الوسيلة، وهي وسيلة التوحيد إلى الله جل وعلا، وشأن الله أعظم، وطلب من عباده شيئا قليلا، ولهذا عظم أمر التوحيد وقبح جدا الشرك وما جر عليه. Donc ça c'est la fin de l'introduction. Donc on va traduire cette fin là puis on va s'arrêter pour aujourd'hui. On continuera la suite demain. Le cheikh il termine donc ce point-là en disant que c'est pour cette raison donc que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit que si tu as commis un péché, donc tu demandes pardon, et que si tu as réuni les trois choses, hein, eh bien tu auras le bonheur. Et ces trois choses les trois choses en question sont reliées les unes avec les autres. Et elles s'impliquent et elles rentrent l'une dans l'autre pour tous les musulmans qui sont sur le tawhid. Ces trois choses, c'est que celui qui est reconnaissant, il doit faire preuve de, on doit être reconnaissant par rapport à qu'est-ce qu'on reçoit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit faire preuve d'endurance face aux épreuves qui nous touchent et on doit demander pardon à Allah pour les péchés et les désobéissances que nous faisons. Et il dit que plus la connaissance d'un serviteur va grandir à propos de son Seigneur, eh bien, plus ces trois choses-là vont être importantes pour lui. Et chaque fois que son tawhid va grandir également dans son cœur, eh bien, ces trois choses-là vont grandir également dans son cœur. Jusqu'à ce que le serviteur ne voit rien d'autre comme méritant de quoi que ce soit de ses actions ou de ses comportements, hein, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que si le serviteur devient indifférent et insouciant dans son cœur, il ressent un petit peu de rafla, eh bien, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et il va demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, yani, pas comme la personne qui n'a pas de compréhension, mais comme la personne qui, justement, comprend la signification de cette demande de pardon à Allah. Et il dit, c'est comme l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'il demandait pardon à Allah 70 fois, hein, pendant le jour et pendant la nuit. Et dans une autre narration, dans le hadith authentique, il dit qu'il demandait dans une assise jusqu'à 100 fois, hein, astaghfirullah. Il demandait pardon à Allah plus, jusqu'à 100 fois dans une seule assise. Hein. Donc c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait constamment le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, pour terminer, donc, que le musulman qui est sur le tawhid, hein, qui s'accroche fermement au tawhid et qui est muwahhid, eh bien, il est en danger constamment. Il est dans le danger de tomber dans la tromperie, dans le sens que c'est-à-dire qu'il se fasse tromper par le shaitan. Dans le sens que le shaitan vient t'enfler la tête, hein, te faire croire que du moment que tu fais preuve, que tu fais partie des gens du tawhid, t'es sauvé. Ou bien que tu as réalisé et concrétisé la réelle signification de suivre les salafs. Et que tu fais partie de ceux qui ont cette science, alors tu prends ça pour acquis. Tu prends ça pour acquis. Tu dis, je suis un salafi, ça y est, je suis sauvé, je suis sur le bon chemin et je suis sur la guidance. Et puis, tu oublies de faire preuve d'humilité et de soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tu prends la chose pour acquis et tu deviens orgueilleux ou arrogant. Et le cheikh, il dit, ça c'est un danger. Ça c'est un danger. Et il dit, لقبول الوسيلة وهي وسيلة التوحيد. Donc, tu dois donc faire preuve de d'humilité et de soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il sait l'état de ton cœur. Donc, tu dois faire preuve de cette sincérité-là et faire attention de ne pas justement faire partie de ceux que le shaitan trompe de cette manière. Et il dit que tu dois accepter le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala réellement. Et c'est un sujet qui est très important. Et il a demandé, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à ses serviteurs quelque chose de simple. Hein, et cette chose, c'est une chose qui est en réalité très importante, c'est le tawhid. Et il nous a interdit quelque chose qui est très laid, c'est le shirk et tout ce qui nous y amène. Et donc c'est de ça qu'on va parler dans cette risala de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab dans les jours qui suivent. Donc on va s'arrêter aujourd'hui à ce point-là. On a expliqué maintenant l'introduction et demain on va rentrer dans Al-Qawa'id, l'introduction de Qawa'id Al-Arba'a après avoir lu cette dua du Cheikh